بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني في دراسة رسالة الشيخ عبد الكريم بن برجس رحمه الله تعالى. Donc c'est notre deuxième assise autour de l'étude de cette risala de Cheikh Abdel Karim bin Oubarjis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Le titre, Mu'amalatul Hukam fi dhawil kitabi wa sunna. Le titre, c'est le comportement adéquat à avoir avec le gouverneur à la lumière du Coran et de la sunna. Après l'introduction, nous avons vu certaines règles. Il a commencé à donner des règles vis-à-vis du comportement que nous devons avoir avec les gouverneurs musulmans. Hein? La première des règles, c'est qu'il est obligatoire de faire l'allégeance au gouverneur. Un gouverneur gouverne un pays de l'islam, tu es obligé de voir que tu as une allégeance vis-à-vis de ce gouverneur. Hein? Et il y a eu des sévères avertissements, que ce soit dans la sunna du prophète, dans la voix du puiseur, dans la parole des imams, sévère avertissement pour celui qui ne voit pas qu'il a de l'allégeance vis-à-vis de son gouverneur, ou celui qui sort de l'obéissance de son gouverneur. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est le gouverneur a pris le pouvoir par un putsch militaire. Hein? Il a pris le pouvoir par la force et par les armes. Et du moment que il s'est établi sur ce pouvoir, il a pris ce poste, ça y est, il est obligatoire de lui obéir. Et il est interdit de le concurrencer, de prendre les armes contre lui, une fois que la situation est à lui. Pourquoi ? Parce que la religion est faite pour repousser le mal. Et le fait de reprendre les armes contre ce gouverneur, qu'est-ce qu'il ramène ? Le fait de couler le sang, l'anarchie et l'insécurité. Hein? Et maintenant avec la troisième règle que nous allons entamer ce matin, inshallah. القاعدة الثالثة إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. Un gouverneur, il y a des conditions pour qu'il soit gouverneur. Maintenant, mais si un gouverneur a pris le pouvoir, mais il ne réunit pas les conditions, il ne les réunit pas, hein? Mais il a pris le pouvoir, il s'y établit sur son pouvoir, ça y est, et la situation lui appartient, il maîtrise la situation, il est obligatoire pour nous de lui obéir, il est interdit de lui désobéir, obligatoire de lui obéir et interdit de lui désobéir. قال الغزالي فيما نقل الشيخ هنا رحمه الله لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته. Donc ce qu'a rapporté ici, Cheikh Ibn Barjis rahimahullah ta'ala, en le prenant d'un des livres du Ghazali, il dit, si maintenant on n'a pas trouvé l'homme adéquat pour la situation, qui est dans la droiture, qui a la science, hein, pour prendre le gouvernorat. Et si maintenant c'est un ignorant ou un pervers qui a pris le pouvoir, et dont le fait de se révolter contre lui, ça va amener un grand mal, ou le fait de vouloir lui enlever ce poste, ça va amener un grand mal, nous jugeons qu'il est obligatoire de reconnaître son gouvernorat. C'est-à-dire qu'il faut lui obéir, il faut lui occuper pour couper, pour fermer la porte de la fitna. Hein? يقول لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه أي في هذا الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة. Il dit parce que nous sommes entre deux situations où en voulant changer ce gouverneur pour essayer de trouver un mieux ou quelqu'un qui réunit les conditions, avec le fait de vouloir faire ce changement, nous allons ramener un mal, hein, un grand mal, avec lequel, qui va être plus que le manque de conditions qu'il a ce gouverneur. Hein? فَيَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَلَا يُهْدَمُ أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصر. Il dit, rahmatullah alayh, dans ces cas-là, on ne va pas détruire l'origine de l'intérêt, la racine de l'intérêt et l'essence de l'intérêt, on ne va pas le détruire, voulons chercher le mieux. Hein? Comme celui qui va construire maintenant un palais, il va détruire un pays. Hein? Il est impensable que de vouloir construire un palais en détruisant un pays. Hein? Donc celui-là qui est ignorant, qui est pervers du moment qu'il a pris le pouvoir, ça veut dire on ne prend pas les armes contre lui et on lui obéit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne se révolte pas contre lui. Pourquoi? Pour éviter le mal, pour fermer la porte du mal. Hein? Et nous sommes entre deux situations. Hada, c'est la première. La deuxième, وَبَيْنَ أَنْ نَحْكُمَ بِخُلُوِ الْبِلَادِ عَنِ الْإِمَامِ وَبِفَسَادِ الْأَقْضِيَةِ وَذَلِكَ مُحَالٍ. Il dit, la deuxième situation dans laquelle on va se retrouver dans le fait que qu'il n'y ait plus de gouverneur et que on va juger que les sentences de ce gouverneur sont mauvaises. Et ceci est impossible. On ne peut pas décréter être dans une situation où il n'y a pas de gouverneur, on ne peut pas non plus dire que les sentences et les jugements sont mauvais. Hein? Et Salaf disait, radouanullah alayhim, que une nuit sans gouverneur est pire que 70 ans sous un gouverneur tyran. Une nuit sans gouverneur est pire que 70 années sous un gouvernorat d'un tyran. Hein? Ils savent pourquoi ils le disent. Parce que le mal qui découle d'une nuit sur laquelle il n'y a pas de gouverneur sur un pays, c'est la cata totale dans le pays. Hein? Les viols, les destructions, le feu qui s'enflamme partout, etc. Les règlements de compte, tout. Yaqul, wa nahnu naqdi bi nufudi qada'i ahli al-baghi fi biladihim limasisi hajatihim, fa kayfa la naqdi bi sihhati al-imamati 'inda al-hajati wad-darura. Et il dit, rahimahullah, et toujours les paroles sont al-Ghazali, et nous décrétons comme quoi le jugement d'Al-Bari dans leur pays, il est bon, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il y a un besoin, une nécessité. Comment ne pas décréter que l'imama, le gouvernera au moment du besoin, au moment de la grande nécessité, il est bon, c'est impossible. Dire les gens d'Al-Bari, dire un groupe après les armes, un groupe a pris les armes et a contre le gouverneur. Et il a dépassé ses limites, il a pris les armes et il s'est accaparé d'une région, d'une ville ou d'une montagne. Hein? Et là, dans cette ville et dans cette montagne, il y a eu des choses qui se sont passées parmi des lois qui ont été instaurées et qui ont été appliquées par ce groupe dans cette région-là. Il y a eu des mariages, il y a eu des divorces, il y a eu. Donc, les fuqaha, rahimahumullah ta'ala, sont à l'unanimité sur le fait que ce groupe, qui a pris le pouvoir sur une ville, qu'au moment où la région revient sous la tutelle du gouverneur principal, bah, les jugements qui ont été faits vont rester, ils ne vont pas les annuler. Ils ne vont pas les annuler, et ça c'est l'unanimité des jurisconsultes. Rahmatullah alayhim. Et donc, ici, dans les paroles qu'a rapportées Cheikh Ibn Barjis de Ghazali, rahimahullah ta'ala, il dit, si nous confirmons le jugement et les sentences qu'il y a eu sous la tutelle, ceux d'une région d'Yelbourat, donc pourquoi ne pas confirmer par la nécessité le gouvernorat d'un pervers ou d'un insensé, ou d'un tyran, hein? Tout ceci te montre quoi? Tout montre l'importance du fait de ne pas se révolter contre son gouverneur. Hein? Tu sors avec la conclusion qu'en quoi? Si le gouverneur il est pervers, s'il est injuste, s'il ne réunit pas les conditions, mais du moment qu'il a pris le pouvoir et qu'il s'est établi sur le pouvoir, ça y est, c'est l'obéir, c'est écouter ce gouverneur et lui obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqoul. وقد نقل الشاطبي رحمه الله في الاعتصام كلاما للغزالي نحو هذا لما مثل للمصالح المرسلة جاء فيه أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأدعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار. إيه Il dit que Shatibi Rahimahullah a transcrit certaines paroles qui vont dans le même sens, des paroles de Ghazali qui vont dans le même sens contre l'imam Shatibi Rahmatullah alayhi a parlé de l'Masalih al-Mursala. Et il a dit, si l'imam, si le gouverneur, l'allégeance a été donnée à un gouverneur, ou alors celui qui a pris le pouvoir n'a pas le degré de quelqu'un qui est digne de faire l'effort d'interprétation. Mais il a le pouvoir, il a pris ce pouvoir, il a la force avec lui, ben, et que les gens se sont soumis à lui, et qu'on ne trouve pas un Quraishite digne de l'effort de l'interprétation, qui réunit les conditions du gouvernorat, il est obligatoire de rester sous la tutelle de ce premier, qui est diminué, qui n'est pas à l'étape de celui qui n'a pas le degré de celui qui fait, de celui qui a les outils pour faire l'effort d'interprétation, et qui ne réunit pas les conditions. On reste sous sa tutelle, malgré qu'il est diminué au niveau des conditions, que les conditions ne sont pas réunies. Wa in quddira hudur qurashiyin mujtahid مستجمعي للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجوز لهم خلعه والاستبدال به بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. هذا هو passage aussi. Ici même supposons qu'au même moment, il y a un qui est sur le pouvoir et qui ne réunit pas les conditions du gouvernorat. Mais en même temps, il se trouve à côté quelqu'un qui réunit les conditions, qui est Quraishite, et qui réunit toutes les conditions pour gouverner. Et que les musulmans ont besoin pour enlever le premier qui a le pouvoir et qui ne réunit pas les conditions, et que le fait de l'enlever, ça va amener une fitna. Et ça va amener que l'anarchie et que la situation va être perturbée. Il n'est pas permis de prendre les armes et de le changer. Il n'est pas permis de prendre les armes et de le changer. Mais il est obligatoire à tout le monde d'obéir à celui qui est au pouvoir. Et d'accepter ses sentences. Et de reconnaître ça où il est. Donc c'est clair que les imams sont sur l'unanimité du fait qu'on peut pas, on n'a pas le droit de se révolter. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ceci va ramener la fitna. Tout ceci va ramener le grand mal. Et la religion, c'est fermer la porte du mal. L'une des règles, c'est fermer la porte du mal. N'importe quelle porte qui va amener un mal, il la ferme. رحمه الله تعالى قال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي هذا ما قال يعني الغزالي فهو متجه بحسب النظر المصلحي وهو ملائم لتصرفات الشرع وإن لم يعضده نص على التعيين وما قرره وأصل مذهب مالك رحمه الله تعالى. الشاطبي en commentant les paroles de Ghazali, il dit ce qu'a dit le Ghazali, c'est ce qui convient à l'intérêt, hein? C'est ce qui convient à l'analyse et à la vue de l'intérêt, et c'est ce qui est conforme à la législation, même s'il n'y a pas de texte qui lui donne la solidité, hein? Et ce qu'a confirmé le Ghazali, c'est la voie et c'est le fondement sur lequel était la voie de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire que l'imam Malik rahimahullah ta'ala, sur le fait aussi, il y a un gouverneur, il ne réunit pas les conditions du gouvernorat, ben on n'a pas le droit de se révolter contre lui. Même si à côté, il y a quelqu'un qui a les conditions, etc. Et que, pour mettre celui qui a les conditions, ça implique de créer une fitna, une anarchie, le sang va couler, etc. Ben on n'a pas le droit. Hein? On accepte le gouvernorat de celui-ci, on lui obéit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la voix de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Et la voix de beaucoup d'imams, comme l'imam Ahmed rahimahullah, et tous les imams que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de clairvoyance, sont sur cette voie-là rahimahullah ta'ala. Que ce soit les anciens, que ce soit les nouveaux. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك في هذا الباب تقدم ذكرها في الصفحة 22 وقال فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك. Et Shatibi rahimahullah a ramené une version de l'imam Malik qui va dans ce sens-là. Et cette version de Nafi' d'Abdullah ibn Omar, il est passé avec nous hier. Il dit, l'apparence de ce texte qu'on rapporte l'imam Malik, que quand on a peur de mettre au pouvoir quelqu'un qui réunit les conditions et d'enlever celui qui ne réunit pas les conditions, que ça va, il va y avoir une fitna, ben l'intérêt veut qu'on laisse celui qui n'a pas les conditions au pouvoir. Hein? Pourquoi ? Pour fermer la porte à la fitna, pour ne pas faire couler le sang, hein? Pour que la sécurité soit établie, hein? Et pour qu'il n'y ait pas l'anarchie. وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. Et Imam Bukhari, rahmatullah alayh, rapporte de Nafi', qui est le serviteur de qui? De Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu wa arda. Dit, quand les gens de Médine sont sortis de là, se sont révoltés contre Yazid, ne voyaient plus d'obéissance à Yazid ibn Muawiya, Abdullah ibn Omar qui était à Médine, il a réuni ses serviteurs et ceux qui travaillent pour lui et ses enfants, et il leur a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, allonge un drapeau pour tout quelqu'un qui a trahi. Hein. Et pour lui ici, la trahison, c'est le fait de sortir, de désobéir au gouverneur et de prendre les armes contre lui, de se révolter contre lui. Hein. Donc, un drapeau est étendu pour celui qui agit ainsi. Hein? Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé traître. Il a trahi quelqu'un qui a commis un acte de trahison. Et il dit, rahimahullah, radiyallahu anhu wa arda, nous avons donné l'allégeance à cet homme. C'est-à-dire, nous avons donné l'allégeance à Yazid ibn Muawiyah. Selon l'allégeance d'Allah et l'allégeance du messager alayhi wa sallam. Et si il m'arrive que quelqu'un parmi vous a désobéi à cet homme, ou il a suivi dans cette voie-là sur laquelle étaient les gens, ça va être la séparation entre moi et lui. Ses enfants et tous ceux qui sont sous sa tutelle, ça va être là. Si vous lui désobéissez à cet homme, et vous voyez qu'il n'est plus votre gouverneur, ben ça va être la séparation entre nous. Claire et net, elles étaient, rahimahumullah ta'ala. Tout ça, pourquoi? Pour fermer la porte de la fitna. قال ابن العربي رحمه الله تعالى وقد قال ابن خياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها وإن يزيد من ابن عمر ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه فيه تعرض لفتنة عظيمة فكيف ولا يعلم ذلك ابن العربي لندي زمام ملكي رحمه الله تعالى Et là, c'est Ibn al-Arabi avec l'article défini. Hada, c'est l'un des imams de l'Malikiya. Mais il y a l'autre, à l'indéfini, Nakira Hada, Ibn al-Arabi. Hada, c'est l'une des têtes de l'Ouhdat al-Wujud et ainsi de suite, qui n'a rien à voir avec celui-ci. Hada, c'est un zindir, Hada, c'est une éminence de science. Il a dit que Ibn Khayyat, dans son livre, Tariq al-Khulafa, l'histoire des khalifs, que l'allégeance de Abdullah à Yazid était par contrainte. Et les authentificateurs disent que c'est dans cette parole que c'était par contrainte, il y a à revoir. Ils ne l'acceptent pas. Les authentificateurs sont sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrainte. Et il dit, Ibn Khayyat, où, en comparant, qui c'est Yazid par rapport à Omar, à Abdullah ibn Omar. C'est que la place d'Abdullah ibn Omar est énorme par rapport. C'est un compagnon. Il y a un fils d'un noble compagnon. Et du deuxième calife de la communauté. Et il dit, mais Abdullah ibn Omar a vu avec sa religion, avec sa science, qu'il faut se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il faut fuir la fitna. Il ne faut pas s'exposer à la fitna. Parce que dans la fitna, il y a le fait que l'argent va être lapidé, il va y avoir des vols, il va y avoir du sang qui va couler, le sang des innocents, etc. Et le fait de enlever et de se révolter dans le Yazid, si on y arrive, et si on arrive à remettre la situation comme il était auparavant, il y a quand même le fait de s'exposer à la fitna avant. À une fitna qui est énorme. Et on ne sait même pas si on va arriver à mettre les choses à leur place. Alors, la porte de la fitna se ferme. Il faut la fermer. C'est pour ça que Abdullah ibn Omar s'y soumet. Allah subhanahu wa ta'ala. En confirmant l'allégeance à Yazid. Et en agissant comme il agit, avec sa famille, avec ceux qui sont à son service. Et il leur a dit, si j'entends quelqu'un à désobéir à ce gouverneur ou se révolter contre ce gouverneur, ça va être la séparation entre moi et lui. يقولوا وهذا أصل عظيم فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله. Et il dit, rahmatullah alayhi, les paroles sont Ibn al-Arabi. Ça, c'est un fondement géant, un énorme fondement. Comprenez-le et cramponnez-vous à ce fondement. Vous allez être orienté, bi-idhnillahi azza wa jal. C'est quoi ce fondement? C'est le fait de ne pas désobéir à son gouverneur. Même s'il est pervers, même s'il est tyran, ne pas se révolter contre lui. Parce qu'il y a dans ça le fait de préserver la communauté de la fitna. La qaïda al-rabi'a. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب الأزهار ولا يصلح إمامان. La quatrième règle, l'imam الشوكاني رحمه الله تعالى, dans l'interprétation qu'il a fait à la parole de صاحب الأزهار, voilà. Il n'est pas permis d'avoir deux imams. Il n'est pas permis d'avoir deux gouverneurs. يقول وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطارنا الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته. Il n'est pas permis d'avoir deux gouverneurs, c'est-à-dire deux gouverneurs. Si par exemple il y avait l'empire musulman comme il était connu au début, mais il n'est pas permis d'avoir deux gouverneurs dedans, deux khalifs dedans. Hein? Mais maintenant, l'imam Choukani, dans l'interprétation de cette phrase, il dit, mais maintenant après que l'islam s'est propagé, et qu'il a pris du terrain, hein, et que les régions sont très lointaines, hein, d'une région à une autre, il y a des énormes distances. Et il est connu que maintenant, ce qui est connu, c'est que chaque pays a son gouvernorat et a son gouverneur auquel les gens de ce pays doivent obéir. Et la tutelle et le pouvoir de ce gouverneur, il est tout simplement dans son pays. Il ne doit pas dépasser les limites et les frontières de son pays vers l'autre. Hein? Comme ce que tu vois maintenant. C'est-à-dire le gouvernorat, hein, du gouverneur marocain ne dépasse pas les limites de ses frontières. L'Algérien, le gouverneur de l'Algérie, la même chose, de la Tunisie, etc. Ceci a été reconnu par les hommes de science pour ne pas tomber dans cette ambiguïté de ceux qui disent eh, il faut la grande khilafa, l'imam al-Udhma, etc. Hein? Et fait partie des règles de la religion, que ce qui s'obtient en entier ne se délaisse pas, on ne délaisse pas une partie de ce qui s'obtient pas en entier. Il n'y a pas de khilafa maintenant. Et depuis longtemps, bien avant l'imam Ahmed, les gens étaient sûrs que le fait qu'il y ait eu des états. Hein? Et l'imam Ahmed confirmait, et tous les imams qui sont passés avant ont confirmé, etc. Pourquoi, hein, ramener cette ambiguïté maintenant? Et pourquoi tomber dans cette ambiguïté maintenant? يقول رحمه الله فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر. Il dit رحمه الله عليه les paroles sont à l'imam Choukani. Il n'y a pas de mal à voir différents, beaucoup de gouverneurs. Dans chaque pays, il y a un gouverneur, hein, il y a un sultan ou un calife. Et il est obligatoire d'obéir à tout un chacun après l'allégeance dans le pays où il gouverne. Dans le pays où s'appliquent ses ordres, où s'appliquent ses interdictions. Et il en est de même pour celui dans l'autre pays, ainsi de suite. فَإِذَا قَامَ مَنْ يُنَازِعُهُ في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتوب. Et si maintenant il arrive que quelqu'un se révolte contre lui dans le pays où il a son pouvoir, et quelqu'un se révolte contre quelqu'un qui a le pouvoir, et que les gens du pays ont fait l'allégeance à ce gouverneur, ben la sentence de celui qui s'est révolté, c'est quoi? S'il ne se repent pas, c'est qu'il soit tué. Ça, c'est sa sentence. C'est qu'il soit tué. Il y a l'unanimité là-dessus. Hein? ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدري من قام منهم أو مات فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق. Il dit, n'est pas permis aux gens de l'autre pays d'obéir à celui qui est dans l'autre pays. Par exemple, les gens de l'Algérie n'ont pas obéir au gouverneur marocain. Il en est de même pour les Marocains, non pas à obéir au gouverneur algérien. Et ainsi de suite. Au Koweït, et ainsi de suite. Hein? Ils obéissent à leur gouverneur. On n'a pas à rentrer sur le gouvernorat d'un gouverneur, hein, dans lequel on n'est pas dans son pays. Hein? on obéit au gouverneur du pays dans lequel on est. Hein? Et il dit, parce que maintenant, les États sont lointains et les gens qui habitent à l'autre bout du pays, hein, ne savent pas, on ne leur avouera pas qui est le gouverneur, est-ce que le gouverneur il est vivant ou là il est mort, etc. Et donc dans ces cas-là, imposer aux gens à obéir à un gouverneur qui est très loin, c'est fait partie du domaine de leur imposer ce qu'ils ne peuvent pas, hein, accomplir. يقول وهذا معلوم لكل من له اطلاع على احوال العباد والبلاد. Il dit ceci est connu de tout un chacun qui connaît les situations des gens et les situations du pays. يقول فاعرف هذا فانه المناسب للقواعد الشرعيه والمطابق لما تدل عليه الادله ودع عنك ما يقال في مخالفته فان الفرق بين ما كانت عليه الولايه الاسلاميه في اول الاسلام وما هي عليه الان اوضح من شمس النهار. Il dit, et sache ceci, car c'est ce qui convient et ce qui est conforme aux règles de la législation et ce qui est conforme aux preuves, et délaisse et met de côté toutes les paroles qui sont en divergence avec ceci, car il y a une grande différence entre le gouvernorat islamique du début de l'islam et la situation actuelle. Et ceci est très clair, comme éclaire le soleil en plein jour. ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. Et celui qui rejette ceci, c'est quelqu'un qui ne cherche pas la vérité, qui veut cacher la vérité. Et celui-là, il n'est pas permis de lui parler avec les preuves parce qu'il ne la comprend pas. Celui-là qui ne reconnaît pas cette situation, que les pays peuvent se constituer en tant que pays, avoir l'allégeance, chaque gouverneur, les habitants de chaque pays doivent avoir l'obéissance à leur gouverneur, etc. Celui qui rejette ceci, ben il ne mérite pas. C'est quelqu'un qui cache la vérité et qui ne veut pas avoir la vérité. Et celui-là, il ne mérite pas qu'on lui parle avec les preuves parce qu'il ne la comprendra pas. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القاعدة الثالثة قريب من هذا. Et il dit رحمه الله تعالى شيخ بن برزس. Et auparavant, nous avons cité les paroles de شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه dans la troisième règle. Les paroles qui sont similaires à ce qu'a dit l'imam Choukani رحمه الله. ومن المعلوم أن هذا الكلام متجه في البيعة التي تحصل بالقهر والغلبة là, bil-ikhtiyar. Et il dit, ce qui est connu, ce qui est visible, hein, c'est que ces paroles sont orientées vers l'allégeance qui est arrivée avec quoi? Par la force. Le gouverneur a pris le pouvoir par la force, et non pas par choix. Les gens ne l'ont pas choisi. Il a pris le pouvoir par la force. Toutes ces paroles, ça veut dire, pour te dire que, hada, il a pris le pouvoir par la force, tu le concurrences pas, tu lui obéis dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع لهم. Il dit, partant de là, il est confirmé à ces gouverneurs qui sont nombreux maintenant dans le monde musulman, il leur est confirmé ce qui est confirmé au grand imam de l'époque, au géant imam de l'époque. Hein? À l'époque où il existait, où il y avait le seul calife qui gouvernait tout l'empire musulman. Et ces gouverneurs, ces différents gouverneurs, accomplissent les sentences et autres. Et on écoute leurs ordres et on leur obéit. Et l'obéissance suffit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين وغير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل ما إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. Et Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah, dit la sunna, c'est que les musulmans doivent avoir un seul gouverneur. Les autres, dans les autres pays, doivent être ses représentants. Et ceux qui le représentent, hein, dans les autres, les différentes régions. Mais supposons que la communauté, c'est pas ça. Par sa désobéissance, il y a eu des révoltes, etc. Et les pays se sont morcelés, etc. Et les autres sont incapables d'accomplir ce grand empire. Et que la communauté s'est trouvée avec beaucoup de gouverneurs. Il est obligatoire à tous les gouverneurs, tout gouverneur dans son pays, d'accomplir les sentences d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on doit aussi lui obéir. Hein, et s'acquitter de notre devoir vis-à-vis de ce gouverneur. Et lui doit remplir aussi son devoir vis-à-vis de ses populations. القاعدة الخامسة قال شيخ الإسلام في منهاج السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دون منهاج السنة يديك الرسول صلى الله عليه وسلم a ordonné d'obéir aux gouverneurs qui se trouvent sur place, qui sont connus, des personnes bien précises, hein, qui ont le pouvoir et qui sont capables de gérer les gens, hein, et de gérer la situation des gens. Non pas d'obéir à quelqu'un qui n'existe pas, ni quelqu'un, on l'ignore qui sait, et ni d'obéir à quelqu'un qui n'a pas le pouvoir, et qui n'a rien du tout, hein. Comme hein, ce que font certains groupes maintenant. Ils font l'allégeance à quelqu'un qui n'a ni pouvoir ni rien du tout. Une des fois, t'as certains, ils ont fait l'allégeance, quelqu'un se voit qu'il est khalifa alors qu'il est dans une prison, dans une chambre où il y a à peine 2 mètres carrés, où il y a les toilettes aussi, il se voit le khalif de la communauté. Et il voit qu'il a l'allégeance. À quel pouvoir il a là? Et combien sont insensés ceux qui font l'allégeance à ce genre de bonhomme? Hein? يقول الشيخ ابن برزيس رحمه الله تعالى فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها وولي الأمر قائم ظاهر فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة. Rahimahullah ta'ala, et les paroles sont à Ibn Barjis, celui qui se donne le pouvoir, se donne la place du gouverneur, qui a le pouvoir, et qui a hein, la force avec lui, et qui a les capacités de gérer les gens, et il appelle les gens à, il appelle un groupe de gens à lui obéir, à l'écouter, à lui obéir, et ces gens-là lui ont fait l'allégeance, il l'écoute, il lui obéissent par cette allégeance qu'ils lui ont fait, alors qu'il y a le gouverneur du pays, celui-là a pris un autre chemin que le chemin d'Allah et le chemin du messager alayhi salatu salam, et il est en divergence avec les textes de la législation. C'est clair. D'où tu vois que cette allégeance que prennent, que ce soit hein, les guides, hein, de l'Ikhwal Muslimoun qu'ils prennent, etc. Et toutes ces allégeances que se font dont à l'émir du quartier, l'émir de l'université, l'émir des émirs, et tout ceci c'est faux, tout ceci est en contradiction avec la législation d'Allah. Et tout ceci, tu le vois, que ce soit dans le groupe d'Ikhwal, tu le vois dans le groupe d'Al-Adl wal-Ihsan, hein, tu le vois dans l'Ahbash, tu le vois chez Tablir, etc., l'Imara, etc. Ah, il y a un émir déjà, ça y est. L'allégeance, on l'a donnée à celui qui nous gouverne. Hein? Il n'y a pas autre chose. Il y a un gouverneur qui a le pouvoir de gouverner, qui a les possibilités de le faire, etc. Ça y est, c'est fini. Et si maintenant on donne à des émirs l'émir de quartier, l'émir du seul quartier, etc., bah ça y est, on va où? Hein? Et ceci est contraire à la sunna sur laquelle, à la sunna du prophète, contraire à la législation, contraire à la voie de nos plusieurs d'Allah. فلا تجب طاعته بل تحرم إذ لا سلطان له ولا قدرة على شيء أصلا فعلى ما يسمع ويطاع له كما يطاع ويسمع لولي الأمر القائم الظاهر. Donc, il cherche de nous dire, rahimahullah ta'ala, il n'est pas obligatoire de lui obéir. Il est interdit, c'est haram de lui obéir. Car il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de moyens. Il n'a pas de pouvoir. Hein, à l'origine. Pourquoi l'écouter, lui obéir, comme on obéit au gouverneur qui a le pouvoir sur le pays, hein? Donc ceci est très clair. L'obéissance, il est pour le gouverneur qui gouverne le pays et qui est apparent, qui est connu. Hein? On n'obéit pas à quelqu'un qui n'existe pas, ni à quelqu'un qui est ignoré. Là, on obéit directement au gouverneur qui a la tutelle du pays et qui a le pouvoir sur le pays. القاعدة السادسة لا سيزيام غادل. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يدي les gens seront dans le bien. Ils seront dans le bien tant qu'ils donnent l'importance aux gouverneurs et aux hommes de science. S'ils donnent l'importance à ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire le bien dans leur bas-monde et dans leur religion et dans leur au-delà. Va leur donner le bien dans ce bas-monde et dans l'au-delà. Et s'ils négligent ces deux-là, ils rabaissent ces deux-là, ils rabaissent, ils négligent, ils dénigrent les hommes de science et les gouverneurs, ils vont anéantir leur bas-monde et leur au-delà. Hein? Regarde ces paroles, regarde la situation dans laquelle on est, regarde maintenant combien dénigrent les hommes de science. Il n'y a qu'à voir ce qu'a écrit Aïd al-Qarni dans l'un des journaux de Médine, où il a dit, en critiquant les hommes de science, qui ont mis des fatwas, qui vont avec la législation, le fait d'interdire les manifestations, etc. Il les critique. Hein? Hada, il a donné l'importance aux hommes de science. Hein? Et en plus de ça, il est allé trop loin. Parce qu'il a fait comme il a fait le Qardaoui. Qardaoui, quand le président de Tunisie est tombé, il a dit, Houbal, Tunisien, le Houbal de Tunisie est tombé. Après, quand il y a eu le tour de Moubarak, il l'a traité de Firaoun, et ainsi de suite. Et il a commencé à citer toutes les divinités d'avant-temps. Ba'ed al-Qarni, il a dit, Lata wal-Uzzat wa manat al-Talitat al-Ukhra, en parlant de l'Gaddafi. Direct, allez, vas-y, tous dans le même sac, allez, ouf, tous. Hein? Et en plus de ça, il dénigre les gouverneurs, yak, et en même temps, il rabaisse de la valeur des hommes de science. Et des verdicts des hommes de science, alors que les hommes de science, les manifestations sont interdites dans la législation, il y a la preuve. Hein? Et ouais, il dit dans le journal, où est-ce qu'ils ont trouvé les preuves? Subhanallah. Ce qui est clair, comme le soleil, tu es en train de ramener des ambiguïtés aux gens. Hein? Ça. Après, on nous dit, mais Aïd al-Qarni est revenu sur ses erreurs. Quelle revenu sur ses erreurs? Ben, c'est clair maintenant. Si maintenant, vous ne voyez pas clair, ben, ça y est. Débrouillez-vous, faites trouver des essuie-glaces. Hein? Hein? Ou la dilou pour lire. Mais la situation, elle est claire maintenant. Hein? L'autre, il te dit, mais tu entends Mohamed Hassan, il dit, qala al-Albani, qala ibn Bajmi. La situation, elle est claire. Il bénit les manifestations. Qu'est-ce que tu veux encore? Hein? Qu'est-ce que tu veux encore? Wallou. Là, Ali Hassan, non, Mia, vous exagérez sur la situation. Là, il est clair. Il approuve ce que fait Mohamed Hassan. C'est tout. Et il dénigre ceux qui ont critiqué, qui ont montré les erreurs de Mohamed Hassan. En ce qui concerne ses paroles qu'il a dites vis-à-vis des manifestants et vis-à-vis des manifestations. Et Allah. Plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez autre? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez? Hein? Voilà, la situation, elle est claire. Maintenant, avec les événements, voilà, tout maintenant, tout est clair. Dans ces événements, il y a quelque chose, il y a un mal, c'est sûr. Mais il y a aussi une certaine chose, c'est que la situation doit devenir claire à tout un chacun et savoir vers qui s'orienter. Hein? Et que les prétendants d'Aïd de la Salafia, beaucoup ne le sont pas. Hein? Beaucoup leur visage, il est clair maintenant. Hein? L'autre, il se dit, mais l'Arifi, il est bien, il nous raconte que des histoires. Ben, va voir, qu'est-ce qu'il raconte, des histoires. Il binait aussi les manifestations. Et il leur donne des termes. Hein? Mais, que veut-il? Hein? Il n'y a de bien que ce qui est rapporté par Al-Khassira. Hein? C'est tout. Les gens ne savent plus maintenant. Tout a été brouillé dans leur esprit. On les a formatés. Hein? À capter que le message de imbécile et le khassira, et puis c'est tout un marché avec. Ils sont téléguidés. Hein? Une grande partie de la population est téléguidée. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous en préserve. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإطارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس et son éminence الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه وأسكن الله سبحانه الله سبحانه وتعالى فسيح جناته يدي الله الله dans la compréhension de la voix du puiseur de Allah alim. En ce qui concerne le comportement à avoir avec le gouverneur, ils ne comprennent pas les erreurs du gouverneur, on ne prenne pas comme voie pour attiser la haine contre le gouverneur leurs erreurs, pour détourner les gens du gouverneur. Et ceci, c'est le mal lui-même. Et c'est l'un des fondements avec lequel arrive la fitna entre les gens. يقول رحمه الله كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها il dit رحمه الله عليه comme le fait de remplir le cœur des gens de haine contre les gouverneurs ceci est la source d'un grand mal, de la fitna, de l'anarchie, comme le fait de remplir le cœur des gens contre la haine, de haine contre les hommes de science. Ceci, qu'est-ce qui ramène? Ramène le fait de diminuer la valeur des hommes de science. Et partant de là, diminuer de la valeur de la législation qu'ils portent ces hommes de science. Hein? Et c'est ce qui est voulu depuis plus de 40 ans maintenant. Il y a eu une rencontre au Liban. Regarde ce qu'il y a eu dans la rencontre. Hein. Le mufti d'Iran, le mufti de Amman, et Qaradawi. Il y a eu des conclusions qui ont été prises. Il fait partie de ces des conditions, c'est de les hommes de science de la Sunna de dire ces gens-là. Pour les détourner. Et pendant plusieurs années, on entendait Haoula, Haoula, Haoula, cela, cela, cela, cela, etc. Et ça a marché. Que le commun voit d'un mauvais œil les hommes de science et les dénigre. Hein? Ça, c'est parmi les choses qui ont été instaurées pour arriver à éloigner les gens des hommes de science de la Sunna et de ceux qui sont sur la voie du puiseur. Wallah. يقول رحمه الله فإذا حاول أحد كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد الشيخ العثيمين de continuer de dire كنت quelqu'un diminue hein, et néglige les hommes de science et les diminue, les dénigre et dénigre les gouverneurs, la législation va être négligée, la sécurité va être négligée et va se perdre. Parce que c'est les gens, quand les hommes de science vont parler, ils n'ont pas confiance en leurs paroles. Et si les gouverneurs parlent, ben ils se révoltent contre leurs paroles. Il va y avoir quoi? Le mal, et le grand mal, et l'anarchie, et l'insécurité, et ainsi de suite. Et c'est vrai ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala. يقول رحمه الله والكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب. Il dit, rahimahullah, et les paroles sont à Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il est obligatoire de regarder la voie qu'ont les puiseurs d'Allah alayhim vis-à-vis des gouverneurs. Et que la personne doit se conditionner par cette voie-là. Il doit connaître la fin des situations. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَثُورْ إِنَّمَا يَخْذِمُ أَعْدَاءَ الْإِسْلَامِ فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة. Et il dit, rahimahullah ta'ala, que ça, ceux qui se révoltent, qu'ils ne rendent service qu'aux ennemis de l'islam. Et la leçon est à prendre pas dans les révolutions, ni dans les réactions rapides, mais la leçon c'est à prendre dans la sagesse et dans le but. يقول ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. انتهى كلامه رحمه الله من رسالة حقوق الراعي والرعية وهي مجموعة خطب للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. Il dit رحمه الله تعالى La perfection et la sagesse, ça ne veut pas dire se taire sur les erreurs, mais remédier les erreurs, corriger les erreurs pour réformer les situations, et non pas pour changer les situations. Car le conseiller, celui qui conseille, c'est celui qui parle pour réformer les situations, et non pas pour les changer. Et là s'arrêtent les paroles de Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, et ils sont prises du risala, qui s'appelle le droit du gouverneur, et des gouvernés et des populations. C'est un ensemble de khutab, de khutba qu'a donné Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh. Al-Fasl al-Thani, le deuxième chapitre de cette risala. Premier chapitre était consacré aux règles laissant au nombre de 6. Maintenant le deuxième chapitre, fil hatti ala inkar al-munkar wa kayfiyat al-inkar ala al-umara. Le deuxième chapitre, c'est l'incitation au fait de blâmer le mal, et comment blâmer le mal des gouverneurs, comment on doit se faire. Al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar aslun min usul ad-din bihi yadhharu al-khayr wa ya'um wa yakhtafi al-batil wa yadmahil. Le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal et d'interdire le mal, c'est l'un des fondements de cette religion, et avec ce fondement apparaît le bien. Et le bien se propage et se cache le faux. Et diminue le faux, le mauvais, le blâmable. Avec le fait d'ordonner le bien et de blâmer et d'interdire le mal, va diminuer. Ce faux, ce mal va diminuer. Sinon, il va disparaître, sinon au moins il va diminuer. يقول ولقد فرق الله بين المؤمنين والمنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فدل ذلك على أن أخص صفات المؤمنين قيامهم به. الله سبحانه وتعالى a fait la différence entre eux, les hypocrites et les croyants, dans la situation du fait d'ordonner le bien et de blâmer et d'interdire le mal. Et cela prouve que l'une des caractéristiques principales des croyants, c'est l'accomplissement du fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. فقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد ذكر قبلها المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Et il nous cite ce verset qui dit les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Et ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Et auparavant, le verset il dit, les hypocrites, hommes et femmes, les uns sont les alliés des autres. Ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. وقد أوجبه الله تعالى على هذه الأمة في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى في obligatoire le fait d'ordonner le bien et de interdire le mal à cette communauté. Il l'a fait obligatoire. Il est dit dans le verset, il faut qu'il existe parmi vous une partie de la communauté qui ordonne, des gens qui ordonnent le bien, qui appellent vers le bien, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal et qui le blâment. Et ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. Al-Muflihoun. ومن قوله ومن في قوله منكم للبيان لا للتبعيض وعلى هذا يجب الأمر بالمعروف يرحمك الله والنهي عن المنكر على هذه الأمة وجوبا كفائيا إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين في أصح أقوال أهل العلم من إسي ها منكم دوفو ها إسي سي با بور dire que c'est une partie qui doit faire là mais ici pour l'éclaircissement hein? Et c'est pour ça cher de nous dire c'est pour ça qu'il est obligatoire d'ordonner le bien et d'interdire le mal cette communauté une obligation du domaine collectif on a les obligations individuelles que nous devons accomplir tout un chacun on a des obligations collectives si une partie de la communauté accomplit ce devoir collectif donc les autres ne sont pas dans le péché. Donc quand une partie de la communauté accomplit ce devoir collectif, les autres ne sont pas dans le péché, et c'est la parole la plus forte parmi les paroles des hommes de science. يقول وهذه الأمة المحمدية إنما حازت الشرف والخيرية على الأمم الماضين بهذه الخصلة الشريفة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Et cette communauté, la communauté de Mohammed عليه السلام, il a eu ses honneurs, hein, et le fait d'être la meilleure par rapport aux autres communautés qui sont passées et par cette noble caractéristique qui est le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il est dit dans le verset, vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister aux gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. فَمَنْ تَحَقَّقَ فِي هَذَا الْوَصْفِ فَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأُمَّةِ. Et celui qui accomplit et qui a cette caractéristique, ben c'est le meilleur, il fait partie des meilleurs de cette communauté. C'est quoi cette caractéristique? Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. وَلَقَدْ لَعَنَ الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِمْ مَنْ كَفَرَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ بِسَبَبِ تَرْكِهِمْ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ كَمَا قَالَ تَعَالَى لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ceux qui ont mécru parmi les populations avant nous ont été maudits par les prophètes alayhi salatu wassalam. Pourquoi ils ont été maudits? Banu Israël, ils ont été maudits pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé le fait de blâmer le mal et d'interdire le mal. Il est dit dans le verset, ils ont été maudits, ceux qui ont mécru parmi Banu Israël, par la voix de Daoud, par Daoud alayhi salatu wassalam, par Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi, ils ont dépassé leurs limites. Et quand ils faisaient un mal, ils se l'interdisaient pas. Hein? قَوْلُهُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ أَيْ أَنَّ لَعْنَهُمْ بِسَبَبِ عِصْيَانِهِمْ وَاعْتِدَائِهِمْ ثم فسر الاعتداء بقوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر ثم أقسم الله تعالى على دم فعلهم هذا فقال لبئس ما كانوا يفعلون. Et il est dit dans le verset, pourquoi ils ont été maudits? Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont dépassé leurs limites. Et il a expliqué le fait d'avoir dépassé les limites, il est dans quoi? Parce qu'en disant que ils ne s'interdisaient pas un mal les uns les autres. Quand ils accomplissaient un mal, ils ne se l'interdisaient pas les uns les autres, mutuellement. C'est-à-dire que les uns n'interdisaient pas aux autres, ils le voyaient faire le mal, là ils le laissent. Hein? Et l'autre, il le voit faire le mal, il le laisse. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fait le serment sur le fait comme quoi il les a maudits. Hein? La bi samakanu falo. Mauvais, mauvais les actes qu'ils faisaient. وقد جاءت السنة مقررة لهذه الأحكام المنصوصة في كتاب الله تعالى ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et la sunna de notre prophète عليه الصلاة والسلام est venue pour confirmer tout ceci. Il est venu pour confirmer les lois qui sont dans le livre d'Allah, dans l'authentique de Muslim رحمه الله تعالى. Le hadith d'Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه, il a dit j'ai entendu le prophète عليه le messager d'Allah dire celui qui voit parmi vous un mal, qu'il le change par sa main, sinon par sa langue. S'il ne peut pas, c'est par sa langue. S'il ne peut pas, c'est avec son cœur. Et ça, c'est le plus bas degré, hein, le plus bas degré de la foi. Hein. فهذا الحديث يقول الشيخ خطاب لجميع الأمة وهو دال على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة وأن إنكاره بالقلب لا بد منه. فمن لم ينكر قلبه المنكر فقد هلك كما قال ابن مسعود عندما سمع رجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر قال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا الأثر يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرف هلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et il dit, rahimahullah ta'ala, ce hadith est un message qui est adressé à toute la communauté. Et ce hadith prouve qu'il est obligatoire de blâmer le mal selon les capacités. Et que le fait de blâmer le mal avec le cœur, il est obligatoire. Celui qui ne blâme pas le mal avec son cœur, il a péri. Comme il a dit Ibn Mas'ud, quand il a entendu un homme a dit devant Ibn Mas'ud, « A péri celui qui n'ordonne pas le bien et qui n'interdit pas le mal. » Ibn Mas'ud lui a dit, « A péri celui qui ne reconnaît pas avec son cœur le bien et le mal. » Celui qui va être dans la perdition et qui va périr, c'est celui qui ne le reconnaît pas avec son cœur. Hein? L'allamat ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, en interprétant cette parole, de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, il dit que Ibn Mas'ud voulait dire que le fait de connaître le bien et le mal avec le cœur est obligatoire pour tout un chacun, et que celui qui ne le reconnaît pas, ben il a péri. يقول الشيخ ابن برجس رحمه الله تعالى وغفر له وقد ذهب بعضهم إلى أن الإنكار باليد للولاة ومن قاربهم وبالقول للعلماء. Il dit, rahimahullah ta'ala, que en prenant cette citation de Dalil Falihin d'Ibn Illan, qui est une interprétation de Riyad Salihin, il dit, certains sont allés vers le fait que le fait de blâmer le mal avec la main, celui-ci est au gouverneur tout simplement, et ceux qui sont proche au gouverneur, c'est-à-dire ceux qui les représentants des gouverneurs, etc. Et le blâme avec la parole, c'est aux hommes de science. يقول وهذا القول ضعيف إذ هو تخصيص بلا مخصص فالإنكار باليد لكل من قدر عليه من المسلمين. Il dit cette parole, elle est faible parce que c'est faire la particularité d'une chose alors qu'il n'y a aucun texte qui la rend particulière. Et le fait de blâmer avec la main, il appartient à tout un chacun parmi les musulmans qui est capable de le faire. يقول ولعل قائل قائل هذا القول إنما أتي من تلازم السيف واليد في ذهنه ففرق هذا التفريق حذرا من الوقوع في المحظور وهو التغيير بالخروج على ولاة الأمر وليس كذلك. Et il dit peut-être que celui qui a dit cette parole cette idée lui est venue par le fait de croire comme quoi fait de changer le mal avec la main cela implique qu'il faut prendre les armes contre eux, le gouverneur ceci est ici immiscé dans son esprit et pour ne pas tomber dans ce mal dans ce mal et dans ce qui est interdit qui est le fait de prendre les armes contre le gouverneur il a dit ainsi il a dit comme quoi bah, le fait de changer le mal avec la main ne revient que gouverneur et avec la parole il revient aux hommes de science. قال الإمام أحمد في رواية صالح التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح إمام أحمد ولا فيرسيون دو صالح رحم الله الجميع يدي لو شانجمون changer le mal avec la main ce n'est pas avec les armes ce n'est pas avec les armes وقال المروذي قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال باليد واللسان وبالقلب هو أضعف قلت كيف باليد قال يفرق بينهم المرودي de dire j'ai demandé à Abi Abdillah c'est-à-dire à l'imam Ahmed comment ordonner le bien et blâmer le mal il a dit avec la main et avec la langue et avec le cœur c'est le plus bas degré c'est le plus faible. Je lui dis comment on peut le faire avec la main. Il a dit on les sépare. Hein? قال ورأيت أبا عبد الله مر على سبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. انتهى من الآداب الشرعية لابن مفلح. Et il dit رحمه الله تعالى المروذي dit et j'ai vu أبا عبد الله c'est-à-dire j'ai vu l'imam Ahmed passer à côté des petits garçons qui sortaient de des écoles coraniques où ils apprenaient le Coran, se battre entre eux, ils les séparaient. Ils les séparaient. إذن فعموم الحديث يقضي بمشروعية الإنكار باليد لمن قدر عليه. لمن قدر عليه. فكمن استطاع أن يكسر مزمارا أو أن يطمس صورة ونحو ذلك. Donc, la généralité du hadith implique que le fait de blâmer avec le mal pour celui qui est capable de le faire, qui a les capacités, il faut qu'il le fasse. Comme celui qui est capable de casser un instrument de musique, une flûte, ou autre, ou de défigurer une image, ou autre. لكن هذا مشروط بشروط منها أن لا يفضي إنكاره هذا إلى منكر أشد منه وأن لا ينكر أن يكون الإنكار باليد مما اختص السلطان به شرعا كإقامة حد أو شهر سيف ونحو ذلك. Mais ceci est conditionné par des conditions. Changer le mal avec la main, il est conditionné par des conditions. Que le fait de changer ce mal ne ramène pas un mal plus grand. Déjà, à vouloir changer avec les mains, que ceci, que ton acte, que l'acte que tu veux changer avec ta main, ne ramène pas un grand mal, plus que ce que tu vas changer. Hadassin. Et que le mal que tu veux changer ne soit pas la particularité du gouverneur, comme le fait d'accomplir les sentences. Hein? Ou le fait de demander à l'armée de sortir et de prendre les armes. Tout ceci, c'est le domaine du gouverneur. C'est lui qui doit le faire. C'est lui qui doit orienter l'armée ou la police vers le coin à mater ou là où il faut la sécurité ou mater les gens ou remettre les gens à leur place. Ce n'est pas tout à chacun de nous. Hein? Si je me rappelle, dans la fin des années 90, il y avait des jeunes qui, dans la région parisienne, et un jeune, ils l'ont vu, ils ont supposé qu'il a fait l'adultère, Allah Ta'ala A'lam. Ils sont venus voir un de nos frères, ils lui ont dit, il y a Flan, il a fait l'adultère, on va accomplir la sentence. Il lui a dit, arrêtez. Ceci, c'est le domaine du gouverneur, c'est pas à vous de le faire. Où est-ce que vous allez, Thomas, si vous le tuez? Ils sont partis. Mais ils ont fait qu'à leur tête. On doit blâmer le mal avec les mains. Ils ont pris le jeune dans une cave et ils lui ont donné les coups de fouet. Si le jeune était mort, qu'est-ce qui va arriver? Ça pas le mal que ça peut en découler. Hein? Et donc, il y a des choses dans le fait de changer le mal qui sont le domaine du gouverneur, ben on les respecte. Ça fait partie des droits du gouverneur de ne pas transgresser son champ. Hein? Hein? Là, c'est le devoir du gouverneur, ça revient au gouverneur, on laisse les choses là. Subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas imposé ce que nous ne pouvons pas faire. Hein? Mais il est évident, hein? Tu vois ton fils y faire du mal, tu peux le corriger avec tes mains. Bien sûr, quand tu corriges selon la sunna, mais pas des yeux au bord noir. Sinon, tu vas avoir l'assistance, hein? Ils vont te le renvoyer. Il va à la piscine, tiens, deviens ce bleu, c'est ton père qui t'a frappé. Ça veut dire que ça, exciter l'enfant contre ses parents. C'est ton père. Il y a un jeune qui me parle maintenant, il est à Médine. C'est un père maintenant. Il a, Allah Iberk, 5 enfants que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Hein? Il me disait, quand j'étais à l'école, chaque fois qu'on se cognait dans le quartier, dans la ZIP, on se cognait partout. Et chaque fois que je vais à la piscine, la maîtresse et Adak le maître, ils voient, c'est ton père qui t'a fait ça? Il me dit, non, mais c'est pas mon père. Il dit, je comprenais pourquoi, pas pourquoi. Il m'a dit, mais après, quand j'ai vu ce qu'il faisait, les procès qu'il faisait aux parents, j'ai compris pourquoi il nous montait comme ça. Hein? Il disait, après j'ai compris qu'ils essayaient de nous monter contre nos parents pour qu'ils puissent nous enlever et nous mettre et nous placer dans des foyers. Hein? Enfin, même dans la correction de l'enfant, tu dois agir comme la sunna. Hein? Le visage, tu évites, etc. et tout, et tu le massacres pas. Hein? Et que la correction que tu lui donnes, il soit par rapport à la grandeur de l'erreur qu'il a faite. Il faut que ce soit équilibré. Donc, quand il fait une énorme erreur, tu dis rien, non, vas-y, je te pardonne cette fois-ci. Quand il fait une petite chose et que tu es en colère, vas-y, tu le fracasses. Tu ne comprends plus rien. Mais il faut que tout soit. La sunna t'a montré comment éduquer. Et les plus aïeurs d'Allah Alem nous ont légué un héritage en ce qui concerne l'éducation des enfants, etc. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس له فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة انتهى كلامه رحمه الله تعالى من الأداب الشرعية ابن الجوزي رحمه الله تعالى dans ce que rapporte ابن مفلح dans l'adab charia il dit fait de frapper avec la main ou avec le pied ou autre du moment qu'il n'y a pas le fait de prendre les armes, il est permis à tout un chacun, à la condition qu'il en ait besoin, qu'il y a un besoin, et qu'il se limite tout simplement au besoin, et ne dépasse pas ses limites. Tout est conditionné. Hein? وقال ابن الأزرق في بدائع السلك في طباع الملك عندما ذكر أن من المخالفات الافتيات على ولي الأمر قال ومن أعظمه فسادا تغيير المنكر بالقدر الذي لا يليق إلا بالسلطان انتهى كلامه رحمه الله ابن الأزرق دون بدائع السلك في طباع الملك دون الكاركتيريستيك دي روا كنت لا سيتي لديفرجنس les choses avec lesquelles on diverge, et c'est le fait de dire du mal du gouverneur, ou là de prendre son pouvoir et d'accomplir une des choses qui est du gouverneur. Il dit, il fait partie du grand mal, le fait de changer le mal par un moyen qui ne s'y est qu'un, que ne peut utiliser que le gouverneur. C'est-à-dire, de prendre le moyen ou la situation qui est due au gouverneur, et toi, tu n'es pas gouverneur, et tu prends cette position-là, la position du gouverneur pour changer ce mal. Et là, c'est un grand mal. Hein? Donc, nous devons, tout ceci implique que nous devons rester à notre place et respecter, hein, nos limites. وهذا كله فيما إذا كان صاحب المنكر غير السلطان فإن كان السلطان فليس لأحد منعه بالقهر باليد ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى قاله ابن النحاس في تنبيه الغافلين et il dit حفظه الله تعالى et tout ceci c'est-à-dire changer le mal avec la main selon les capacités et les conditions dictées quand le mal ne concerne pas le gouverneur et si le mal vient du gouverneur à ce moment-là, il n'est permis à personne d'utiliser ses mains ou de prendre les armes contre ce gouverneur ou de réunir les gens et ses alliés contre ce gouverneur. Car il y a dans le fait d'agir ainsi, le fait de faire, d'attiser la fitna, d'allumer la fitna et d'exciter le mal et de diminuer de la valeur du gouverneur et que le gouverneur soit détesté dans le cœur de ses populations. Et peut-être que ceci va entraîner les populations à se révolter contre lui, et à détruire le pays, et autre chose qui est connue de tout le monde. Tout ceci est rapporté de Nabi al-Ghafilin, d'Ibn al-Nahas, rahimahullah ta'ala. Wa qad qala l'imam Ahmad, rahimahullah, لا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول وهذا في الآداب الشرعية الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندي on prend pas les armes contre eux on s'oppose pas au gouverneur on prend pas les armes contre le gouverneur car l'arme du gouverneur est levée et ceci est très important tout montre quoi que le plusieurs doit Allah alim a avertissé contre le fait de se révolter contre les gouverneurs. Et comment blâmer le mal quand il émane d'un gouverneur, c'est ce que nous verrons tout à l'heure, incha'Allah. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum jazakumullahu khairan.